Alors, nous allons avoir notre dernière conférence qui est de l'après-midi qui porte sur les sites infonuagiques éthiques. Par Gabriel Cossette. Gabriel est un informaticien professionnel très impliqué dans les logiciels libres. Il a été président de l'INUC pendant plusieurs années et il s'implique également au niveau professionnel en coordonnant une communauté de pratiques interministérielles sur les logiciels libres au sein du gouvernement du Canada. Donc, Gabriel, sur les services éthique. Parfait. Donc, il est allumé? Oui, c'est bon. OK, donc bonjour tout le monde. Moi, c'est Gabriel Cossette, comme Sylvain l'a présenté. Merci beaucoup pour l'invitation de venir présenter aujourd'hui. Je suis très content toujours de venir partager ma passion pour les logiciels libres. Et surtout, je suis encore plus intéressé lorsqu'on me disait que le thème de cette année était l'informatique éthique, parce que moi, je crois beaucoup vraiment à ce mouvement-là. Je crois qu'il faut de plus en plus décentraliser nos services informatiques, parce qu'on sait que Facebook, Twitter et compagnie, c'est très central. Il y a des risques à ça au niveau de la vie privée, au niveau de la sécurité, au niveau du contrôle. Puis moi, ça fait que depuis quelques années que je suis dans ce mouvement-là, de mon côté. Puis c'est ça, en réalité, c'est ça, je travaille au gouvernement fédéral, à Services partagés Canada, qui est l'équivalent du CSPQ, le Centre de services partagés du Québec. Je suis en architecture d'entreprise, mais à la maison, moi, j'aime ça vraiment découvrir les logiciels libres, les essayer. J'aime beaucoup collaborer, finalement, dans des wikis, des forums. Également, au fédéral, on a un gros wiki interministériel, un gros réseau social comme LinkedIn, finalement, qui est même rendu aussi externe, qui s'appelle GC Collab. Même s'il y en a qui veulent y participer, je pourrais même vous inviter. Je suis très branché, puis c'est sûr qu'au fédéral, c'est surtout à Ottawa que ça se passe. Donc, moi, étant ici à Québec, considéré en région, je suis beaucoup, beaucoup connecté vraiment avec la communauté. Mais c'est ça, j'aime ça de mon côté, avoir des services en ligne qui sont éthiques et qui sont productifs pour combler mes besoins. Puis, je sais, c'est difficile côté besoin, donc j'aime ça avoir de quoi qui est performant. Puis aussi, je fais un petit peu de j'héberge, puis je construis un peu des sites web à mon compte le soir sous le nom de Web Libre. Aujourd'hui, au menu, ce que je vais présenter, c'est ça, c'est une petite introduction. C'est quoi un peu qu'on veut dire par service infonuagique éthique? Et après ça, on fait la démonstration, une petite présentation et démonstration de différents services que j'ai trouvé intéressants, qui sont surtout de l'association Framasoft, mais aussi que vous pouvez avoir chez d'autres fournisseurs, comme des chatons. Également, on va aller voir après ça d'autres listes plus rapides un peu. À la fin, il y a un peu de questions, évidemment. C'est ça ici. D'un côté avantage, ben là, Daniel en a déjà parlé ce matin. Il y a plusieurs avantages d'aller vers des services éthiques qui sont basés sur des logiciels libres. Premier avantage, c'est le respect de la vie privée, évidemment, parce que ces services-là, on va payer d'une certaine manière monétairement. Donc, dans le contrat, c'est indiqué qu'ils ne vont pas vendre et repartager nos données à leur propre, pour avoir leur propre gain, finalement. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Le contrôle des données, comme c'est ça, évidemment, comme je disais, c'est pas vendu ou exploité. Aussi, c'est de ne pas subir une fermeture de service. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent le Google Reader un peu. Moi, j'étais un fan de Google Reader avant, qui était un lecteur de RSS, finalement, donc de fil RSS. Moi, je suis encore beaucoup sur des fils RSS. Et quand Google Reader a fermé, j'ai dit, oh, OK, je m'en vais où, là? Donc, j'ai vu un autre service comme Feedly. Je me disais, OK, je vais aller voir là. T'sais. Mais là, je me suis questionné, je me dis, ouais, c'est plate. Mais là, si Feedly ferme éventuellement ou se mettent à changer leur modèle d'affaires ou ils changent leur apparence, puis ça ne me convient pas, je fais quoi? Donc, je me suis dit, tiens, je vais m'héberger mon propre Google Reader. Donc, je me suis installé un logiciel libre qui fait ça sur un serveur dans le cloud que je contrôle et que je peux maintenant, j'archive moi-même mon serveur, je peux vraiment le mettre à jour et tout ça. C'est ça. Je trouve ça c'est intéressant parce que oui, effectivement, il y a des services qui ferment de temps en temps ou qui sont vendus à une autre compagnie et que là, elle va changer le modèle d'affaires, elle va changer l'apparence. Donc, c'est intéressant. décentralisé, parce que comme on sait, de plus en plus, Facebook s'est rendu le coin pour le côté social. Twitter, c'est le coin pour le microblog. Donc, on devient dépendant de plus en plus de compagnies centrales, et souvent des compagnies qui sont américaines. Donc, étant américaines, ils se doivent de se conformer au Freedom Act, qui avant ça était le Patriot Act, qui fait que le gouvernement américain peut avoir accès aux données sous certaines conditions qui sont un peu floues, des fois un peu grises. Donc, c'est pas donc du côté vie privée, c'est pas très bon parce que le gouvernement peut avoir accès possiblement aux données. Et aussi, avec l'affaire Snowden, évidemment, on a su plein de choses qui allaient même au-delà de ça. La sécurité, étant des services basés sur des logiciels libres, on peut toujours aller vérifier la sécurité du code, évidemment. C'est toujours bon. Surtout au niveau d'un gouvernement, je trouve ça intéressant parce que le gouvernement peut aller faire un audit sur le code également, même si vu qu'il est libre. Et contribution, bien commun. Je me dis, tant qu'à payer, autant payer pour un service qu'on sait que le service contribue au bien commun. Parce que ces services-là qui hébergent avec des logiciels libres, eh bien, ils vont aller des fois soumettre des bugs ou ils vont aller même, eux, ils vont même se payer peut-être un contrat de soutien pour ce logiciel libre-là. Donc, ça aide à contribuer finalement à un bien commun qui est le logiciel libre. Donc, je trouve que c'est tous des avantages intéressants d'avoir des services éthiques que l'on héberge nous-mêmes ou que l'on paye finalement pour aller chercher. Il y a deux choix que je vois pour les utiliser. Premier choix pour les débutants, c'est pas compliqué, on s'abonne à un service en ligne. Donc, on se trouve un bon service éthique qu'on va payer un abonnement par mois ou par année. Ou si on est plus avancé, eh bien, on peut l'installer sur notre propre serveur. Donc, ça, on peut le faire à la maison, comme Benoît l'expliquait finalement avec notre Raspberry Pi ou comme Daniel le fait. Ou on peut également aller se chercher un serveur en ligne. Je recommande ça au Canada, évidemment, vu pour avoir une meilleure vitesse. Et on peut aller vers un hébergement qui est partagé. Donc, le fournisseur va déjà nous offrir un hébergement web basé sur PHP la plupart du temps. Donc, c'est la manière qu'on fait souvent lorsqu'on veut héberger un site WordPress, un blog ou un site WordPress, ou même un DocuWiki, on peut faire ça et tout ça. Néanmoins, si on veut rouler des applications un petit peu plus avancées, qui ne sont pas toujours basées sur PHP, eh bien, on peut aller chercher un VPS, un Virtual Private Server, qui lui, c'est vraiment un serveur Linux complet qui est chez un fournisseur. Mais ça demande des compétences Linux quand même à gérer tout de même. Donc, c'est ça. C'est toujours un autre compromis. Mais aujourd'hui, je vais aller plus vers la première option qui est de s'abonner à un service en ligne qu'on va explorer ensemble avec certaines propositions là-dessus. On parle un peu de l'association Framasoft. Eux, en réalité, c'est une association française sans but lucratif qui a été formée il y a quand même assez longtemps. Eux, leur mission, c'est vraiment de promouvoir, diffuser et développer des logiciels libres. Puis, ils sont financés par des dons. Donc, en réalité, c'est qu'eux, c'est un peu le même modèle que Wikipédia, finalement. Donc, eux, ils vont offrir des services, ils vont promouvoir les logiciels libres, en offrir des services en ligne dans le projet des Googlisons Internet, puis sont financés par des dons, finalement, par de la communauté et des commandites. Et eux, c'est pas le projet qu'ils ont lancé des Googlisons Internet, ils ont plus d'une trentaine de services web maintenant qui sont offerts et qui sont basés sur des logiciels libres, ils n'ont pas de publicité, respect de la vie privée, évidemment. Puis, eux, leur concept, c'est qu'ils veulent encourager l'auto-hébergement. Parce qu'ils se disent, c'est pas mieux, c'est là, tout le monde se ramasse chez Framasoft, parce que on va devenir centralisé chez eux. Donc, c'est pas mieux. T'sais. Même si, oui, ils ont des meilleures valeurs quand même, mais eux, ils veulent pas grossir comme ils veulent pas être aussi gros qu'un Google, mais d'une manière éthique. Là, donc, eux, ce qu'ils encouragent, c'est que les gens s'auto-hébergent. Donc, Framasoft, c'est un peu comme un exemple. On va les voir, on peut s'abonner, on peut utiliser leurs services, mais ils encouragent les différentes communautés à s'auto-héberger. Donc, comme par exemple François mentionnait en vidéo ce matin, Facile veulent lancer leur propre service aussi, comme Framasoft. Donc, ça permet de décentraliser la chose. Linux pourrait l'offrir également à ses membres. Je préfère une communauté que ma famille, disons, offrir un Nextcloud, offrir peu importe quel service, là. Donc, c'est vraiment ça le but, c'est de décentraliser et d'auto-héberger. Et le projet Chaton que François mentionnait ce matin. Donc, justement, on va essayer de voir, tu sais, juste vous montrer un petit peu rapidement l'interface quand vous arrivez pour les chatons. Donc, ça, c'est vraiment le site où vous arrivez qui vous explique vraiment la mission, c'est quoi, le fonctionnement, le modèle économique et tout ça. Et vous allez en haut pour dire, OK, trouvez un chaton. Vous allez ici. Puis là, ben là, vous avez une idée du nom, vous pouvez l'écrire, mais si vous dites, OK, moi, ce que je cherche, c'est quelque chose, une place où je pourrais, ici, ben là, vous avez différents exemples d'outils. Comme par exemple, un outil « Lire plus tard », qui est une manière qu'on peut taguer, en guillemets, un site web pour qu'on puisse le lire plus tard sur notre tablette ou sur notre liseuse ou peu importe. Un lecteur RSS, comme je mentionnais tantôt, donc pour lire des fils RSS. Un moteur de recherche, faire de l'audioconférence. Donc, on essaye, par exemple, le stockage de fichiers, par exemple, qui est souvent quelque chose que les gens veulent faire. Donc, on clique ici. Ici, le modèle économique, bon, ben, il y a différents modèles, gratuité, don, freemium, prelib. Puis ici, est-ce que le service est ouvert à tous ou il est ouvert seulement aux membres, finalement, de l'association? Comme par exemple, ici, Linux, si on est restreint pour des gens seulement d'Avec le Québec puis un peu environnement, mais quelqu'un de Thaïlande ne pourrait pas nécessairement s'abonner à Linux. Ça pourrait rien. C'est comme un bon modèle. Donc, à vrai dire, ben, on pourrait dire ici, bon, OK, on veut que ce soit ça, puis ouvert à tous, disons. Et là, on fait « Appliquer ». Et là, ça va nous faire une recherche des différents choix. Donc ici, il nous montre qu'on a 21 chatons qui sont principalement... Bien, il y en a un ici qui est basé au Québec. Ouais, facile, effectivement, qui a déjà été listé comme un des chatons. Et mais si on va ici, la plupart sont effectivement en France, vu que Framasoft est une association française. Donc ici, on voit la carte des différents chatons et on peut cliquer pour voir le nom de chacun. Sinon, on peut, mais comme ici, la région en France n'est pas vraiment super pertinent dans notre cas, on peut aller voir ici la liste. Donc ici, on voit un peu c'est quoi chacun avec un descriptif et le modèle économique. Est-ce que c'est de la gratuité, c'est-tu des dons, ou des fois, c'est un regroupement de chacun. Donc ici, on peut aller les cliquer sur chacun. Framasoft est également listé, étant un des chatons principal. Et ici, on peut vraiment voir, bon, OK, on regarde, on dit c'est quel qui a l'air de plus nous inspirer. Ici, je peux aller voir, par exemple, la mère Zaklis, qui est quand même un qui est intéressant à aller voir, entre autres, donc qui offre beaucoup de différents services. Donc ici, on voit, c'est une petite association française, bon, qui offre ses services et qu'on peut s'abonner. Elle a été créée en 2008. Et là, pour visiter, bon, on va cliquer sur le lien, finalement, du site qui nous fait sortir du site des chatons. Et là, on arrive vraiment dans le site de l'association elle-même qui va décrire ses différents services. Donc, elle offre des albums photos pour ses membres, envoie de gros fichiers, un cloud basé sur OnCloud. Je pense que si Nextcloud est disponible, les deux, c'est ça. Hein? Et également, ben, on prend une boîte mail aussi qui finit par acommercialzaklis.net, un fil RSS et tout ça. Donc là, ce qu'on peut faire, on dit, OK, on va aller voir c'est quoi, on va aussi adhérer. Puis là, on peut voir ici, bon, les différents avantages de chacun des... pour avoir l'album photo, ça dit, bon, ben si je suis membre argent, pour 5 euros par année, ce qui n'est pas très cher, j'aurais 250 MB maximum par transfert d'album. Donc, tu sais, on voit les différents... finalement, les différents paramètres des abonnements. Mais c'est comme on voit comme 5 euros ou 10 euros par année, on s'entend que c'est pas très cher. Donc là, on peut vraiment avoir les différentes options. Ici, avec un 5 euros par année, on aurait 5 gigs d'espace dans Nextcloud. 10 euros, on aurait 10 gigs. Et on peut en ajouter par après, là, par gig également. Donc, ça, c'est un exemple d'un chaton que vous pourriez aller voir et vous dire, ben, si le prix je trouve intéressant puis les conditions m'intéressent, ben, je peux m'abonner et voilà, c'est trouvé. Donc, c'est vraiment le concept des chatons. Je sais que, je pense, Daniel, tu avais utilisé Indie Hoster, je pense. C'en est un, effectivement, qui est également ici, je pense. Indie Hoster. Il y en a un, je pense, qui est aussi pour du Nextcloud, je pense, qui est aussi intéressant. Donc, un autre exemple ici, donc, qui est vraiment plus focusé sur avoir un cloud, Nextcloud. Puis ici, on veut vraiment, c'est ça, 24 euros par année pour 5G, qui est quand même encore un bon prix, je dirais. On a également un courriel d'inclus avec ici. Donc, vraiment différents chatons à explorer. Donc, et même si vous voulez créer votre propre chaton, si vous voulez auto-héberger des gens, finalement, vous pourriez vous rejoindre le regroupement aussi. Ça serait possible. Donc... OK, c'est bon. Donc, c'est ça. Ça, c'est vraiment le projet Chaton, que je vous encourage fortement à aller voir. Puis, si vous allez utiliser les services de Framasoft, qui sont des services qui sont à la base gratuits, vraiment, je vous recommande fortement de contribuer à l'association d'une manière ou d'une autre. Donc, soit de faire un don en argent, de faire d'aller dans le forum, de faire un rapport de bug. Parce que c'est sûr que c'est vraiment sont basés sont sur c'est comme Wikipédia finalement. C'est vraiment le modèle qu'il faut faire des dons pour que ça reste actif ou de payer les services d'un chaton, évidemment. Mais vous pouvez quand même essayer Framasoft puis voir si ça vous intéresse aller plus loin aussi. Là. Donc ce qu'on va faire, donc je vais passer un peu quelques services et on va faire une petite démonstration par rapport à ce service-là. Donc, premier service que je vais vous montrer, c'est Framasphere, qui est un réseau social, donc qui est vraiment une alternative à Facebook. C'est basé sur le logiciel libre Diaspora. Et ça permet à la base d'échanger des messages, un peu vraiment comme Facebook, mais vous pouvez restreindre le niveau le degré de confidentialité des messages finalement. Ce qui vraiment, ce qui permet une meilleure vie privée, parce qu'on peut dire, le message, je veux juste le partager à mes amis ou de travail, mes amis de famille et tout ça. Et ça permet de communiquer avec un réseau élargi parce que c'est un réseau qui est fédéré. Donc on a Framasphere est un node qu'on appelle Diaspora et qui peut se connecter à d'autres nodes finalement. Donc on peut vraiment on peut aller communiquer avec le réseau élargi Diaspora qui est intéressant. Puis on peut gérer de son contact, les tags, un peu des mentions qu'on fait là-dedans et tout ça. Et on peut aussi publier sur d'autres réseaux sociaux comme Twitter et WordPress par exemple. Donc, juste à le voir rapidement. Par contre, c'est pas l'interface la plus, je dirais, la plus belle que j'ai vue dans ma vie, là. Mais quand même, elle fait quand même un travail. Puis ce qui est intéressant comparé à Facebook aussi, c'est qu'on peut dire qu'on peut surveiller des sujets en particulier. Comme ici, ce qu'on voit, c'est pas le fil de mes amis, c'est qu'en réalité, j'ai été dans. Je ne sais pas pourquoi c'est en anglais, par contre, ici, c'était bien que c'est moi qui l'ai mis. Désolé pour la langue. Je travaille souvent en anglais, mais ici, dans les libellés qu'on suit, on peut marquer des libellés, comme j'ai mis open source. Donc, ça me met toutes les activités du réseau, finalement, qui ont le tag open source, finalement, dans le site. Donc, on peut suivre différents sujets qui sont partagés. Ceux qui ne vont pas partager, c'est assez simple. On va ici, un peu comme dans Facebook, et on va marquer notre message. Et on peut aussi le formater aussi, on peut mettre du gras, italique et tout ça. On peut mettre un lien, évidemment. Et on peut mettre le lien vers une photo, finalement, qu'on aurait. Donc, le but, c'est ça, par exemple, si on a notre stockage Nextcloud, on pourrait prendre le lien, ou même Piwigo, j'imagine. On pourrait générer le lien de notre photo et la mettre, finalement. Donc, la photo ne vient pas emprisonner non plus dans Framasphere ou dans Anon. Donc, on sépare vraiment le fait que la photo est hébergée dans notre système de photos. Et là, on la partage dans un système comme un réseau social. Ce serait la même chose si on la partageait dans un microblog, un équivalent de Twitter qu'on va voir juste après, finalement. Donc, c'est vraiment, on ne va pas toutes mettre nos photos dans une place où, finalement, ils ne seraient pas les mieux gérés, peut-être, que les gérer ailleurs, par exemple. Donc, c'est aussi simple que ça ici, et on peut aller par après, on peut mettre ici un sondage finalement. On peut aussi téléverser une photo finalement via là, ou on peut le faire par lien, ça, comme je disais. Puis, on va choisir à qui on va le partager. Donc, dans les aspects, finalement. Donc, ça, c'est des groupes qui sont préfaits, finalement, famille, amis, travail, où on peut dire, dans tous mes aspects, ou même public. Donc, public, n'importe qui peut le voir, tandis que tous mes aspects, c'est soit mes quatre groupes ici. Puis, les groupes, c'est quand on ajoute des gens quand on fait un friend, quelqu'un, finalement, on va choisir dans quel aspect qui va être ajouté, finalement. Puis, les aspects, sont ici. Ça, c'est juste pour aller suivre les différents, voir les nouvelles de nos différents groupes, finalement, quand ça va se charger, effectivement. Donc, c'est assez simple, comme je dirais, comme interface. C'est sûr qu'il manque, malheureusement, des fonctionnalités que Facebook a, comme par exemple, créer un groupe juste de discussion là-dessus. Tu sais, il manque des petites choses, mais pour communiquer avec des gens et pouvoir vraiment restreindre les communications, c'est vraiment très, très bien quand même. Puis, je vous dirais, le mieux serait vraiment de l'essayer, donc de voir si ça vous convient. Aussi, un système de messagerie intégré, finalement, pour des conversations une à une, finalement, comme Facebook aussi offre. Mais c'est sûr que pour des groupes de discussion, ça peut même, tu sais, il y a d'autres outils qui seraient meilleurs que ça pour faire un groupe vraiment, comme un forum, par exemple, où on peut vraiment communiquer entre personnes. Donc, c'est vraiment pour échanger des messages à des groupes spécifiques et pouvoir vraiment les relier par après. Donc, ça pour Diaspora. Et prochain, ce serait Framapiaf. Framapiaf, c'est un microblog, finalement. Donc, un alternatif à Twitter qui est basé sur le logiciel libre Mastodon. Puis lui, le but, c'est de pouvoir, bien, comme tout microblog, c'est des courts messages. Lui, un peu plus que le maximum de Twitter, c'est 500 caractères. Et on peut mettre les messages publics ou restreints, finalement. Donc, restreints seulement au service. Parce qu'encore une fois, c'est un service qui peut se connecter à d'autres mastodons, d'autres serveurs mastodons, finalement. Donc, c'est comme un Twitter, mais qui est vraiment décentralisé, qui part plusieurs... Tu sais, on pourrait avoir notre propre mastodon à Linux, par exemple, qui finirait par linux.org. Puis là, ben, les gens, on peut communiquer entre les différentes instances. Et il existe des applications pour téléphone, évidemment, pour pouvoir tweeter, finalement, dans notre téléphone. Donc, si on voit rapidement un peu qu'est-ce que ça a l'air. Donc, ici, on voit vraiment, nos messages. Ici, c'est qu'on va aller finalement marquer notre message, finalement. Ici, on voit notre fil. Là, malheureusement, j'ai pas beaucoup de personnes sur Framapiaf. Je suis plus sur Twitter, malheureusement. Je n'ai pas encore fait le saut beaucoup. Mais ici, j'ai mis quelques personnes du groupe Linux, finalement. Donc, ici, on voit différents messages publics, des notifications qu'on a reçues de d'autres messages. Et ici, on peut voir différentes informations. On peut aller voir le fil public local. Donc, le local, c'est tous les messages qui se passent sur l'instance Framapiaf. Donc, si on voit des messages qui sont de la communauté, c'est comme le fil Twitter un peu. Et en réalité, qui vont. Donc, c'est des messages principalement en français, vu que Framapiaf est francophone. Mais si j'arrive et je m'en vais plutôt choisir le fil public global, eh bien là, j'ai tous les messages de toutes les instances Mastodon qui existent. Ici même, lorsqu'on laisse la souris, on voit ici que ça vient de l'instance pawoo.net. Donc, tu sais, on voit que c'est une autre instance Mastodon qui est connectée au grand réseau et qu'on peut voir. Donc, c'est sûr que le côté de la langue était bien un petit peu un problème des fois, là. Mais c'est ça. T'sais, c'est vraiment, on voit que c'est, tu sais, là-dessus, vu que c'est décentralisé, ben chaque instance va mettre un peu ses normes, un peu de ses politiques. OK, bon, ben on n'accepte pas les messages qui sont racistes, des choses comme ça. Donc, c'est sûr que chaque instance va mettre ses normes, mais il n'y aura pas une instance centralisée comme Twitter qui va décider qu'est-ce qui passe ou qu'est-ce qui ne passe pas. Et c'est sûr que les algorithmes sont publics, les algorithmes de filtrage et comment qu'est-ce qui vous montre avant ou après, plus comparé à une autre option. C'est tout est public, tout est éthique et libre. Donc ça, il n'y a pas de problème. On peut aller ici, mais on peut faire des messages directs, on peut écrire un petit message à quelqu'un directement dans le réseau. Comparé à Twitter, on peut faire des favoris aussi. Dans Twitter, malheureusement, il n'y a pas de fonction de... On peut faire un like, mais il n'y a pas de fonction de dire « je fais un favori sur un tweet, puis je veux aller le consulter plus tard ». Ici, ils l'ont implanté. Et aussi, on peut faire une liste. On peut dire « ces personnes-là, je veux pouvoir voir c'est quoi leur notification directement. » Donc, faire des micro-listes pour pouvoir voir qu'est-ce qu'un groupe de personnes va dire en général. Comme là, j'ai fait une petite liste avec les gens de Linux, par exemple, pour voir qu'est-ce qu'il pourrait dire finalement dans le réseau. Donc, c'est assez simple, je vous dirais. Ça résume pas mal à ça, l'application. Ici, ben là, pour partager, ben, on peut aller également mettre une photo finalement dans le réseau. Et on peut choisir ici, est-ce que ça doit être public? Est-ce que ça doit être juste pour mes abonnés, donc juste les gens qui me suivent, ou l'envoyer à une personne seulement directement? Donc, ça, c'est différentes options de confidentialité. C'est sûr que là, si on veut aller plus granulaire que ça, là, c'est plus Framasphère, que là, on peut vraiment choisir les personnes qu'on veut et tout ça. Là. Donc, on peut se faire plus de groupes, finalement. T'sais. Donc, lui, c'est vraiment comme le concept Twitter où ça reste quand même pour des choses relativement publiques, mais Framasphère, c'est plus pour des groupes vraiment très privés qu'on peut avoir. Donc, c'est une option intéressante. La prochaine, qui a été un petit peu parlé, c'est Nextcloud, qui est vraiment pour le fait de stockage de fichiers, qui est une alternative à Dropbox, finalement. Donc, Ici, je n'ai pas mis le nom de Framasoft parce qu'ils ont une instance Nextcloud, mais malheureusement, ils ont limité vraiment le nombre d'abonnés qu'ils pouvaient avoir. Je pense à 1000, un truc comme ça. Parce qu'évidemment, le problème, c'est que ces services-là, vu qu'ils offrent du stockage, donc 5, 10, 15, 20 gigs, ben, s'il y a beaucoup, beaucoup d'abonnés, ça prend beaucoup de stockage quand même, mais ça a un coût vraiment, là, évidemment, le stockage. Donc, ces services-là vont être habituellement payants. Donc, c'est pour ça que je recommande vraiment d'aller voir un chaton pour aller l'utiliser. Et comme il était mentionné un peu dans la journée, on peut partager un document avec un utilisateur précis ou avec un lien public qui peut expirer. Mais on peut ajouter d'autres choses à notre instance, comme un calendrier, par exemple, qu'on pourrait synchroniser sur notre téléphone, des contacts, des tâches, des notes. Donc, c'est assez. C'est ça. Il y a pas mal d'options. Mais là-dessus, ce que je vais faire, je vais vous montrer juste. Parce que ça donne que. Je m'étais quand même créé un compte. Parce que Framasoft, c'est Framadrive qui offre finalement. Et je m'étais créé un compte dans le temps où il y avait encore des disponibilités. Je vois juste. Donc, comment que ça ressemble un peu à Nextcloud quand on y va? On va voir, c'est assez simple quand même. Ça ressemble quand même un peu à Dropbox, mais vu que l'aspect calendrier puis l'aspect des tâches et tout ça, c'est un peu plus. Il y a plus de fonctionnalités même que Dropbox. Donc, si on voit finalement les documents qu'on a, on peut cliquer sur un document pour évidemment le visualiser. C'est un PDF, par exemple, qu'on peut visualiser. Et on peut, dans les fichiers, évidemment, bon, on peut aller. En téléverser, donc manuellement. Mais si j'installais l'application ici, bien, ça synchroniserait automatiquement mes fichiers, comme Dropbox, dans le Nextcloud. Ici, on peut voir les différents fichiers qui seraient partagés avec nous, avec d'autres, par un lien. On voit l'espace qui est occupé ici. On peut ici ajouter soit un fichier, un dossier, ou faire un fichier texte, finalement. Donc, assez simple. Ici, on peut voir également. Les détails du fichier, favoris. Et là, ben, si je l'avais modifié le fichier, je pourrais aussi dire, ben, montre-moi les différentes versions. Parce que, comme évidemment, lorsqu'on met à jour un fichier, il se crée des nouvelles versions. Donc, on peut aller les visualiser, les restaurer, tout ça, assez facilement. C'est pas mal ça pour les fichiers. Ici, ben, c'est des activités qui ont eu lieu récemment. Quel fichier que j'ai mis finalement dans le Nextcloud. On peut avoir une galerie photo ici, donc c'est pas aussi avancé qu'un outil comme PeeWeeGo, par exemple, que Daniel mentionnait. Mais tout de même, on peut créer une galerie, cette galerie par défaut qui existe. Donc, tu sais, on peut faire une galerie quand même, puis réorganiser c'est ça, les photos aussi, mais c'est pas le plus avancé quand même. C'est quand même intéressant. On peut avoir des discussions ici parce qu'on peut avoir des. Ça c'est une question, je pense que c'est ça. Ouais, c'est comme la vidéoconférence. Donc, on peut avoir un mini-serveur de vidéoconférence dans notre instance Nextcloud. Donc, on pourrait créer des discussions et finalement se connecter comme en Skype un peu puis se parler via nos ordinateurs. Donc, inviter des gens à se connecter via notre Nextcloud. Par contre, je ne l'ai pas essayé, mais j'avais eu des bons commentaires apparemment. Ici, on voit les contacts, par exemple. C'est une liste de contacts, vraiment comme un téléphone, finalement, que vous pouvez avoir. Puis, l'agenda, c'est pareil. Puis, également, ben, on a des notes, des tâches aussi. Donc, c'est vraiment une belle interface. Puis, c'est sûr que quand vous avez votre propre Nextcloud, il y a plein d'autres applications que vous pouvez installer de Nextcloud aussi. Donc, tu sais, c'est ça, c'est vraiment. Il y a vraiment des belles. C'est une belle interface, puis c'est vraiment quelque chose qui évolue beaucoup avec le temps, puis qui est amélioré par la communauté. Donc, mais moi, ici, je m'en sers plus pour des tests, je vous dirais. J'utilise un autre qui s'appelle C-File aussi, qui est une alternative aussi à Nextcloud que j'utilise. C'est pas mal ça, je vous dirais, pour Nextcloud. Après ça, on peut avoir Framatalk, donc, qui est un service de vidéoconférence, donc qui est basé vraiment de la vidéoconférence basée sur le navigateur Internet. Donc, ça utilise le logiciel libre Jitsi Meet. Il y a vraiment, donc, tout ce qu'il vous faut, c'est un navigateur qui est récent, comme Firefox, Chrome, par exemple, et aucun logiciel, aucun compte même. Le concept est qu'on crée un URL unique qu'on va aller partager. À nos contacts avec qui on veut parler finalement. Mais c'est sûr, faites attention parce que certains réseaux pourraient le bloquer, comme des réseaux dans les entreprises, des fois, il y a des pare-feux qui pourraient bloquer ce lien-là. Donc, c'est bon de le tester avant. Mais d'habitude, ça marche très bien quand même. J'ai eu du bon succès en général. Donc, le concept, c'est qu'on va ici sur framatalk.org. Et là, ben, ici, on peut marquer un nom qu'on voudrait, ou on choisit le nom par défaut ici, et on fait créer. Et là, ça va nous créer une salle où que là, ben, on va être le premier participant dans la salle, évidemment. Ici, ça nous demande de partager nos écrans et tout. Je ne le fais pas pour l'instant. Ben, moi, je veux le faire. Ça devrait marcher, j'imagine. Okay. Donc là, on partage. Et là, ben, là on voit ici via la webcam. Et à vrai dire, ce qu'on peut faire, c'est tout ce qu'on a à faire, c'est à partager le lien ici par courriel. Et les gens vont aller cliquer et se connecter finalement dans le même environnement. Et là, on verrait les différentes personnes en ligne. Ici, on peut faire évidemment la sourdine, on peut enlever la caméra et on peut partager notre écran. Donc, partager vraiment qu'est-ce qu'on voit. Lever notre main si on est à plusieurs puis on veut participer. Et il y a une fenêtre de chat également où on pourrait faire du clavardage en même temps. Donc, c'est assez simple, mais je vous dirais que ça marche vraiment très bien, puis on n'a pas installé rien, tu sais, c'est pas comme, faut que tu crées un compte Skype, après ça, faut être dans Skype, tout ça, non, c'est, tu fais juste aller créer ça, puis la connexion est vraiment entre, c'est que là, on passe par le serveur Framatalk, juste pour initialement connecter les gens ensemble, mais une fois que, disons que je serais avec Daniel, puis je serais chez lui, bien, la connexion passe entre moi ici et Daniel chez lui. Donc, c'est vraiment du peer-to-peer qu'on appelle. Le Framatalk sert juste au début à nous initier la connexion entre les deux. Mais après ça, à la pression, on a des bonnes performances et une bonne confidentialité vraiment sur l'information. Donc, je vous dirais, c'est vraiment une bonne option à utiliser quand ça marche, évidemment, parce que comme je vous dis, certains réseaux pourraient le bloquer, tout comme certains réseaux peuvent bloquer Skype également et d'autres services. Donc, vraiment très intéressant, puis ouais, qui marche bien. Prochain, ce serait Framabi. Framabi, c'est une alternative à Google pour la partie recherche, finalement. Donc, c'est le logiciel libre Cirque, en tout cas, qui est en fait un métamoteur de recherche qui va utiliser les différents outils de recherche existants qui s'appellent Google, Bing, Yahoo, et qui va pouvoir trouver des résultats. Hier, j'ai testé et il ne marchait pas très bien. Je ne sais pas si là, il va marcher, par contre. Mais le concept, c'est vraiment un concept comme Google aussi, finalement, où on va aller marquer notre requête. On va voir si ça marche ici. Donc, on met la requête et... Ah, ça l'a... Ah, ouais, pas... Il trouve Bing, mais on dit qu'il ne trouve pas Google, en tout cas. Ici, en tout cas, on voit le concept que c'est vraiment juste des recherches qu'on fait et qu'on peut aller trouver des résultats qui seraient puisés de différents moteurs de recherche, finalement. Il y en a d'autres, comme Raymond mentionnait Quant et d'autres. Mais lui, c'est vraiment lui que Framasoft offre, qui est basé sur un logiciel libre et que vous pourriez même déployer sur votre propre serveur également, si vous vouliez. Mais ils vont toujours aller chercher les outils de recherche à l'arrière, finalement, populaires, évidemment. DuckDuckGo en est un autre exemple aussi. Mais lui, c'est son propre moteur de recherche, donc il n'utilise pas les autres en arrière, les autres moteurs de recherche, finalement. Et là, bien, évidemment, on peut dire, bien, trouve-moi des fichiers, des images, des cartes, tout ça. Donc, ici, il parle le lien de la recherche, ici. Donc, c'est assez simple, mais ça peut être une manière vraiment de pouvoir faire des recherches qui ne sont pas pistées, à vrai dire, c'est qu'on passe par le relais Framabi. Donc, Framabi, c'est lui qui va aller interroger Google et tout ça. Donc, ça, c'est comme un intermédiaire, finalement. Donc, il ne sait même pas l'adresse IP de où on provient, finalement. Donc, notre localisation et tout ça, là. Donc, ça peut être intéressant, mais là, comme je vous dis, je pense qu'il ne marche pas très bien, là. Il me semble que je devrais avoir plus de résultats que ça, là, normalement. Donc, c'est ça. Donc, c'est assez simple quand même à utiliser. Puis, ça peut être intéressant à voir. C'est sûr qu'effectivement, l'autre option, c'est que si vous utilisez quand même Google, bien, si vous n'avez pas de compte Google connecté, bien, au moins, vous êtes un petit peu moins pisté, un petit peu moins surveillé quand même. Donc, mais je vous dirais quand même d'explorer cette option-là quand même est intéressante, là, tout de même. Mais comparez-la avec Google, c'est sûr. Là. Donc, si on voit un exemple où il y a plus de résultats un petit peu, puis qu'on voit vraiment qu'on peut filtrer. Pour le prochain, ce serait pour le clavardage Framateam, finalement, qui est une alternative à Slack. Donc, Slack, qui est pour les plus vieux un peu, il y avait IRC avant. Slack est un peu la version web de IRC, un peu plus belle, un peu plus flashy, disons. Le logiciel libre, c'est Mattermost. Ça permet vraiment de faire une communication en temps réel, donc dans des canaux, finalement. Donc, c'est pas comme Ring qui va être comme de 1 à 1, finalement. Ça, c'est vraiment une base qu'on a des canaux de discussion. Et on va voir l'historique du canot toujours et qu'on peut aller discuter. Et on peut le faire par le téléphone, évidemment. Donc si je vais voir Framateam ici, je vais me connecter également. OK, c'est bon. Donc, ça veut dire, là, c'est juste un petit test que je faisais. Donc, j'aimerais dire, ici, on voit les canaux, finalement, qu'on peut créer. Et ici, ben, on peut en créer des nouveaux, finalement. Donc, là, ben, le concept, c'est que j'avais créé ici un espace pour Linux, finalement. Dans l'espace pour Linux, ben, on peut créer différents canaux, finalement. Donc, j'ai réussi à choisir un nom de canal, c'est quoi le but, finalement. Et après ça, ben, on peut aller marquer des messages, évidemment. Comme ça, on peut aller mettre des émoticons ici, de différentes choses. Tac. Comme ça. Donc, on peut vraiment comme communiquer comme ça facilement. Donc, c'est vraiment du clavardage. Donc, si en temps réel, on va voir la notification par le bas. Ici, on voit combien de membres se sont joints finalement au groupe. On peut faire des recherches, on peut voir ici les mentions qu'on a eues récemment. On peut flaguer des messages pour aller revenir plus tard, comme ça ici. Donc, ça, c'est vraiment un aspect de clavardage. Comme je vous dis, ça fonctionne bien sur le téléphone. On peut vraiment facilement interagir. Et moi, je m'en sers beaucoup dans mon travail parce qu'on est vraiment dans un nouveau programme d'innovation où on est 17 personnes, je pense, de différents ministères. Et donc là, il faut en communiquer ensemble. Et là, ben, les courriels, bon, on est sur différents systèmes courriels, ça peut être compliqué. Fait que on s'est mis dans un système similaire à ça, sur Slack malheureusement, mais quand même, le concept fonctionne bien de pouvoir avoir des... Oups, je sais pas, j'accroche quelque chose. Oh. Ça revient. OK. Bon, je vais aller sur les fils. donc, le concept vraiment, mais fonctionne bien d'avoir vraiment, comme par exemple, pour chacun de nos projets, on a un canal finalement établi où on va aller partager nos choses, puis on peut avoir des notifications, on peut facilement écrire, écrire à tout, on fait à commercial, puis là, on peut dire all, ben là, ça va aller écrire à tout le monde sur l'instance ou... oui, c'est effectivement. Donc, All ou Channel va aller écrire vraiment à tout le monde qui sont dans le canal, mais ça va faire une notification, même par courriel, si je me rappelle bien, dans Framatim. Donc, on reçoit par courriel, finalement, la notification que quelqu'un a mis de quoi d'important, là, fait qu'il faut aller voir qu'est-ce qui se passe. Mais sinon, ça va juste illuminer le canal, finalement, pour dire ben, qu'il y a eu des nouveaux messages, allez voir, finalement. Et ici, on peut avoir d'autres instances ici. Donc, on pourrait créer d'autres tests, finalement, d'autres instances. Donc, on pourrait switcher d'un environnement à l'autre, finalement, facilement. Là, donc, c'est ça. C'est vraiment comme... on part différents environnements, puis communiquer dans ces environnements-là. Et on peut aussi aller parler, on peut aller faire des messages directs, donc aller parler avec quelqu'un directement, juste de un à un, finalement, dans l'instance. Donc, ça, c'est un bon système pour clavarder. Donc, vous voyez, c'est sûr qu'on voit ici le microblog versus ça. C'est tout de la communication, mais allez-y selon lui que vous voyez qui est le plus. Des choses en temps réel, c'est vraiment pratique de pouvoir discuter. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre plan ce soir ou aujourd'hui pour le projet? Qu'est-ce qu'on fait? On parle là-dessus. C'est comparé à un réseau social ou un microblog qui est plus un côté peut-être. C'est plus, ben, OK, je partage quelque chose, soit un tweet ou soit un post plus long. Tandis qu'ici, c'est plus pour parler vraiment là, en temps réel là, avec nos collègues ou nos amis, finalement, par exemple. Donc, Framatim. Framabord ici, qui est la gestion de tâches, donc qui est l'alternative à Trello. Et c'est basé sur le style Kanban qu'on appelle. Donc le Kanban, vous allez voir, c'est comme un style que tu as des colonnes, finalement. Et tes colonnes, tu as des statuts sur tes colonnes, finalement. Donc tu vas déplacer ta tâche d'un statut à l'autre, finalement. Le Kanban, c'était un style qui a été amené par Toyota, finalement, pour pouvoir gérer un peu la chaîne de production. Mais tu peux mettre tes statuts, tes colonnes, à n'importe quel nom, finalement. Là, tu peux dire, bien, une colonne, disons, c'est mon backlog, c'est ce qu'il me reste à faire, finalement, comme tâche. En cours, c'est ce que je fais actuellement. En attente d'une réponse, bien, là, c'est ce que j'attends de la réponse de quelqu'un. Puis, disons, terminé, bien, là, c'est que j'ai terminé, je la déplace là-bas, finalement. On peut gérer plusieurs projets via Framabord. On peut même générer un diagramme de Gantt et d'autres, finalement. Puis c'est basé sur le logiciel Kanban, finalement. Donc, ici, c'est ça, je vais vous connecter. OK, il me semble que c'était ça. Donc, ça, on a une interface ici. Donc, ici, disons, j'arrive, je vais faire un nouveau projet, disons, que je vais appeler Linux. Donc là, on arrive et je peux aller voir le board directement. Là, par défaut, il m'a créé des différents statuts comme backlog, ready, work in progress. Et là, je peux ajouter facilement une tâche avec le plus ici. Donc là, je fais tâche 1. Ici, je pourrais dire, mettre une couleur finalement à la tâche ici que je veux. Je pourrais l'assigner à quelqu'un, à moi-même, disons. Donc, je mets ça ici, backlog, tout ça, priorité. Hop, je fais save. Et là, ben, ça, je peux l'assigner à une personne ou à, je pense, plusieurs personnes. Et là ben, en réalité, la tâche, disons que là, je est dans mon backlog, puis je me dis, OK, là, je suis prêt à la faire la tâche. J'arrive, puis je peux la draguer ici dans Ready. Donc, ça me permet vraiment là, okay, de pouvoir suivre ma tâche où elle est située. Et en réalité, éventuellement, quand j'ai terminé, ben, je peux la mettre à terminer ici. Je peux aller mettre une date d'échéance à la tâche. Ici, je peux aller facilement l'éditer rapidement. Même, il fait juste un petit pop-up, puis ouf, je peux aller éditer. Je peux aller mettre la tâche, la date finalement que je démarre, la date que je veux terminer, et tout ça. Donc là, il va comme aussi, il va mettre des couleurs, je pense, différentes pour le temps qui me reste pour. C'est quand elle est due, la tâche, même si ça met la date que je dois la terminer. Tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, ça permet vraiment d'avoir une visualisation très, très intéressante des tâches, finalement. Surtout si on est une équipe, puis que là, on fait une réunion, disons, par semaine, puis là, on veut réviser les tâches où on est rendu. Bien, là, on ouvre le tableau, puis ça permet vraiment de voir visuellement où on en est. Puis chaque tâche aussi, on peut aller ajouter un commentaire à la tâche. Donc, ici, on peut mettre un commentaire comme ça. Donc, là. Et là, on va voir ici une petite icône, il semble, ouais, une petite icône ici qui apparaît pour dire que, ah, il y a un commentaire à la tâche. Finalement. Donc ici, je pourrais en mettre un autre. Donc, je pourrais dire à mon collègue, hey, t'as-tu été voir telle chose ou ça avance-tu bien la tâche? C'est une manière un petit peu de pouvoir communiquer finalement à nous-mêmes ou à quelqu'un d'autre qui a une tâche finalement. Et on pourrait ajouter un document, une copie d'écran et tout ça, l'envoyer par email à quelqu'un si on veut, créer une sous-tâche si on voulait. Finalement, qui va être relié à cette tâche-là. Donc, vraiment, il y a plusieurs options intéressantes quand même. Et on peut avoir la vision plutôt par, si on préfère, on peut l'avoir par liste. Donc, si on veut juste une liste des tâches qu'on aurait, on peut faire un diagramme de Gantt. Si on a toutes des dates de fin et de début, tout ça, bien là, ici, on verrait toute la progression et la planification de nos tâches. Puis, on peut le voir aussi par calendrier. Si on met des dates de que ça doit être terminé, bien là, on verrait finalement, on voit que la tâche ici, on voit qu'on la finisse finalement le 26, par exemple. Donc, on voit vraiment la durée ici qui continue. Donc, vraiment un bon système. Je l'ai utilisé pour certains projets, puis c'est vraiment intéressant à gérer en équipe, là, je vous dirais. Ça peut être aussi pour la famille aussi, c'est pour gérer un anniversaire ou un mariage ou peu importe. Ça peut vraiment être intéressant là, à ce niveau-là. Framabag, qui est un service pour conserver des pages web, donc qui est vraiment comme alternative à Pocket, qui s'appelle aussi, donc qui est acheté par Mozilla d'ailleurs, Pocket, et c'est le logiciel Wallabag. Donc, ça permet vraiment, quand on navigue sur Internet, d'aller faire finalement, que vous cliquez sur votre, dans votre navigateur, vous pouvez mettre une extension. Ou lorsque vous visitez une page puis vous voulez la garder pour plus tard, bien là, vous cliquez sur votre bouton dans votre navigateur, puis ça va capturer la page et la mettre dans votre espace, finalement. Donc, après ça, vous pouvez annoter la page, mettre des notes, si vous voulez, et par après, bien, ça garde une copie. Donc, c'est sûr que, disons, c'est un article dans un journal en ligne, bien, même si le journal en ligne, le lien ne fonctionne plus après 2 semaines, vous allez quand même avoir la copie de votre côté par après, dans Framabag, finalement. Donc, vous pouvez le voir, puis après ça, bien, il va juste aller extraire le texte. Donc, vous pouvez facilement aller le lire sur votre téléphone, parce que vous avez des applications pour téléphone, pour tablette et tout ça. Donc, vous pourriez facilement le lire ailleurs, puis en mode texte, donc en mode vraiment qui est très lisible. Même sur une liseuse, ça pourrait fonctionner quand même assez bien. Je ne sais pas si c'est mon compte, parce que moi, je me suis mis ma propre instance. Oui, j'ai encore un compte, je pense. Ouais. Tac. Oups, connecté. Ah, Ah, ça n'a pas l'air fonctionnel, on dirait peut-être. Mais tu sais, c'est pas grave, je vais vous montrer juste. Il n'y a pas grand-chose vraiment à voir de plus. C'est qu'en réalité, ici, lorsque vous arrivez, bien, ici, vous pouvez voir finalement vos différentes sections comme non lu qu'on a mis. On peut mettre aussi des favoris, mais des étoiles, finalement, pour ceux qu'on veut lire en priorité. Et après ça, bien, on voit notre liste qui ont été ajoutées ici. Et on peut cliquer sur un, puis là, on verrait juste le texte, finalement, de la page qui est là. Donc, qui a été capturé. Puis, tout ça fait que c'est ça. C'est assez simple, mais vraiment efficace pour pouvoir facilement. C'est comme des favoris dans votre navigateur, mais qui gardent une copie de la page, finalement, que vous pouvez utiliser plus tard. Un autre service qui est similaire à ça, ça s'appelle Zotero, finalement. Zotero est un service qui permet. C'est plus quand on veut faire des bibliographies, finalement. Donc, c'est le même concept. Quand vous allez sur un site, vous cliquez sur votre extension, puis ça va capturer la page dans Zotero. Puis là, mais là, vous pouvez encore plus classer la page sous différentes catégories, sur différents dossiers, finalement. Donc, c'est vraiment encore plus avancé. Puis après ça, vous pouvez insérer les pages dans LibreOffice ou dans Word, puis ça va vraiment vous générer une bibliographie à la fin selon le bon format finalement de l'institution que vous allez, quelle université vous allez ou quel format que vous voulez avoir de bibliographie. Donc c'est vraiment très, Zotero est très intéressant, mais Framabag pour juste pouvoir lire des articles, des pages plus tard est très intéressant vraiment pour ça. Deux petits services rapides ici qui sont super simples en réalité, c'est vraiment pour partager des fichiers ou du texte brut, donc un bout de texte finalement que vous pouvez partager. Et c'est vraiment, c'est Luffy puis PrivateBin. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va vraiment faire une encryption locale. Donc, en vrai, le concept, c'est que lorsque vous allez mettre votre fichier ou votre bout de texte, quand vous faites encrypter, bien, envoyer, en JavaScript, il va générer une clé d'encryption, il va encrypter votre fichier, et il va mettre le résultat en haut, finalement, dans l'adresse. Donc, ça vous fait un lien que n'importe qui peut aller cliquer et aller chercher le fichier ou le texte, finalement. Aucun compte qui est requis. Et il peut même mettre qu'une fois qu'il a été lu une fois, par exemple, bien, qu'il va s'auto-détruire, finalement. Donc, vous vous assurez vraiment que même si, disons, vous l'envoyez à quelqu'un qui est sur Gmail, par exemple, la personne clique de. Ben, si disons jamais il aurait cliqué dessus, disons qu'un employé l'aurait vu, oh, je vais cliquer dessus, ben là, l'autre personne, quand elle va le cliquer dessus, ça ne marchera pas. On peut savoir que c'était que quelqu'un a cliqué dessus avant, peut-être. T'sais. Donc le fait que juste, il peut y avoir un clic qui peut se faire dessus, c'est une sorte de mini-protection qu'on peut avoir. C'est sûr que ça n'empêche pas que bon, avoir un service avec un mot de passe pourrait être à la limite plus. Un peu plus sécuritaire, mais pour des choses faciles qu'on peut partager rapidement, c'est vraiment intéressant. Si je vous montre rapidement juste la partie pour le texte, finalement. Donc ici, vous marquez, je vais juste utiliser ici, vous marquez votre texte finalement ici. Vous pouvez, par défaut, il va expirer dans une semaine, mais vous pourriez mettre jamais ou un an, un jour, ou peu importe. Puis en option ici, vous pouvez mettre effacer après lecture, donc juste un seul clic qui est permis. Et après ça, ben, on met un mot de passe. Ah, c'est un mot de passe, c'est vrai. Donc, vous pouvez mettre un mot de passe, mais là, le mot de passe, si vous le dites par courriel, dans le même courriel, ça enlève la protection, évidemment. Mais si vous ne pouvez pas mettre un mot de passe, vous arrivez ici, puis vous faites envoyer. Donc là, ici, il vous fait une adresse, finalement. Puis ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qui fait que le Framabin, il ne reçoit pas il ne voit pas le texte qui est marqué ici. Framabin ne le voit pas. Parce que le concept de ce logiciel-là, c'est que la clé d'encryption unique, il la met après le dièse ici. Le dièse qui, dans les pages web, d'habitude, le dièse vous permet, disons que j'ai dans une page web, j'ai un titre 1, un titre 2. Bien, si je mets dièse, titre 1, bien, ça va me rendre à l'endroit de la page où c'est marqué titre 1, bien, où le tag est marqué titre, bon, tout ça. Donc, c'est ce qu'on appelle un anchor là, en anglais. Là. Donc là, mais le anchor, lui, quand on clique là-dessus ici, le anchor n'est jamais communiqué au serveur, c'est juste le navigateur qui reçoit le anchor. Donc, quand je clique ici, je m'envoie sur Framabin. Framabin, même en haut, Framabin, il n'a pas reçu la partie qui est ici. Il a juste reçu cette partie-là. Puis cette partie-là, c'est ce qui permet de décrypter le message. Donc, le navigateur le reçoit et dit OK, je vais prendre ça comme mot de passe, entre guillemets, puis je décrypte le message localement. Donc, c'est vraiment un concept assez astucieux de dire, OK, on va encrypter des choses par un serveur et le serveur ne verra jamais l'information, seulement les navigateurs qui vont l'avoir, évidemment. Donc, autant que le lien n'est pas cliqué par des gens qu'il ne faut pas, eh bien, c'est sécuritaire et le serveur ne voit rien du tout. Donc, vous pourrez aller lire si vous voulez plus sur la technologie en arrière, mais c'est vraiment une technologie que j'ai trouvée vraiment fascinante là, à ce niveau-là. Donc, vraiment, vous pouvez facilement éditer, partager des. C'est pas lui. Partager des, soit des bouts de texte ou des fichiers finalement. Ici, donc, c'est le même concept, on irait choisir un fichier et on irait le partager. Donc, c'est ça, vraiment là, deux instances facilement. Puis c'est facile, c'est intéressant pour, évidemment pour des fichiers qui sont plus hauts, plus volumineux que la limite de courriel qu'on a finalement, par exemple. Puis ici, j'ai mis d'autres types d'options que vous pourriez aussi explorer. Framadat, qui est un outil pour faire un sondage simple, donc dire, ben, OK, disons qu'on n'est pas sur le même système courriel, puis là, on veut faire une réunion. Ben là, on peut dire, OK, moi, je suis disponible le mardi à 3 heures, le mercredi à 1 heure, tout ça. Et là, après ça, ça crée un sondage qu'on envoie finalement, qu'on a un lien unique. On envoie ça aux gens et là, ils vont aller voter sur le ou les heures qui sont disponibles. Puis après ça, ben, ça nous permet de voir, OK, ben là, ce serait telle heure qui serait la meilleure finalement pour l'activité. Framapad, qui est un pad d'écriture collaboratif, juste vous montrer rapidement, vraiment intéressant. Ça, je m'en sers par exemple de mon côté. Je fais des réunions virtuelles finalement avec une communauté de logiciels libres à l'interne du fédéral. Puis ce que je fais, c'est qu'à chaque réunion, on a notre pad avec la même adresse qui est dans l'invitation de réunion. Et là, quand la réunion commence, je dis aux gens, bon, ben, s'il vous plaît, parce qu'ils ne connaissent rien par téléphone, puis là, je dis, ben, allez cliquer sur le lien dans votre courriel. Fait que là, les gens ils arrivent dans le pad ici interactif, qui est un peu comme un Google Doc, un peu comparé à ça. Et là, j'y vois apparaître ici. Puis là, ben moi, je me dis, tiens, je vais me trouver du temps. Je mets en haut participants. T'sais? Et là, je leur dis, bon, ben écoutez, les gens qui me disent, au lieu de demander à chaque personne, bon, mais ben, qui vient de se joindre, de quel ministère? Je dis, ben écoutez, dans participants, allez donc, s'il vous plaît, écrivez votre nom et votre ministère. Les gens écrivent leur nom ministère. Fait que là, puis là, après ça, ben moi, je mets mes sujets de la réunion ici. Et là, là, je dis aux gens, ben là, vous avez une question en cours de route de ce qui est présenté, allez l'écrire là tout de suite. Donc là, il ne l'oublie pas, il l'écrit là. Le présentateur, ben, voit à mesure, ah, OK, j'ai une question qui vient d'arriver, OK, tout ça. Puis des fois, je dis aux gens, ben, si vous prenez des notes, prenez-les là-dedans vos notes, parce que comme ça, vous pouvez les exporter par après, mais vous pouvez également, ça va alimenter les autres aussi dans leur réflexion aussi, tu sais. Ou même d'avoir une question décrite un peu à l'avance, ça peut, moi, comme autre participant, me dire, OK, ça m'amène vers une autre question que je voudrais poser aussi. Donc, vraiment un outil simple, super efficace, qui amène vraiment une belle collaboration pour collaborer. Puis dans Linux, on l'utilisait pour des réunions également. Donc, même dans la même salle, on l'utilisait pour prendre des notes, faire le compte-rendu et tout ça. Donc, vraiment, et quand on écrit, bien évidemment, il y a une couleur attachée à ça qu'on peut changer. Donc, chaque personne a une couleur. On peut aller voir, même voir dans l'historique, vraiment, qu'est-ce qui a été fait dans le pad. On peut faire quasiment un rewind, tu sais, donc on peut aller, oups, qu'est-ce qui a été écrit, par exemple, à telle heure, tout ça, faire play, puis là, on voit, bon, tu sais. Donc, c'est vraiment, c'est super simple, mais efficace, mais c'est vraiment pas fait pour des choses à long terme. C'est quelque chose que, comme là, moi, après une réunion, bien, je vais aller exporter finalement le fichier dans un format comme PDF ou peu importe, et je vais aller l'archiver quelque part. T'sais. Donc, c'est pas pour du long terme, mais pour quelque chose de collaboratif qui est sur le moment, c'est vraiment un super outil pour ça. Là, puis il existe d'autres instances que Framapad, aussi. Il existe d'autres dans le monde là, du même genre. Ici, une feuille de calcul, donc c'est comme un Excel, mais du même genre, qu'on peut vraiment finalement utiliser en temps réel. Carte mentale ici, from mind map, finalement, donc pour créer vraiment une je vais vous montrer une image aux 1000 mots, finalement. Donc vraiment pour créer, c'est vraiment une suite d'idées. Donc vraiment, quand on veut développer des idées et qu'on veut faire un remue-ménage finalement à plusieurs, donc c'est le concept, c'est qu'on va vraiment ici aller étendre la carte mentale. Donc on va dire, OK, Framasup, c'est quoi? C'était le chiel libre, culture libre, nanana. C'est quoi ça, le chiel libre? OK, ça peut être Framalib, tu sais, les différentes initiatives de Framasoft ici. Donc, on peut vraiment étendre ça et mettre des différents tags, différentes images. Donc, c'est vraiment comme le seul concept là, d'étendre une carte mentale qu'on va faire là, avec d'autres personnes, finalement, collaborativement. Formulaire, donc si on veut créer des formulaires, des petits sondages, finalement, un peu comme Google Forms. Ici, Framaslide, donc pour faire un peu comme un Google Doc, mais pour présenter. Ça peut être intéressant à voir. Ici, une liste de distribution courriel. Donc, ça, c'est une liste qu'on crée et qu'on a une adresse courriel centrale de Framalist. Et là, dès qu'on écrit cette liste-là, ça, le courriel s'envoie aux autres participants, finalement. Donc, ce qui est intéressant comparé à avoir juste une liste, que chacun se maintienne une liste, c'est qu'en réalité, comme disons pour le Nancy de Linux, ben, il y a une liste. Et là, ben, s'il y a un nouveau membre qui arrive dans le CA, ben, ce n'est pas chaque membre du CA qui a changé sa propre liste dans son courriel, parce que c'est géré centralement dans une liste framaliste. Donc après ça, ben, tout le monde écrit juste tout le temps à l'adresse CA Linux, disons, framaliste, et ça envoyait tout le monde du CA en temps réel, par le courriel, finalement. Donc, intéressant aussi. Et ça, ça fait que c'est vraiment un aperçu. Il y a d'autres services de Framasoft, finalement, qui sont disponibles. Et par les chatons également, il y en a d'autres que Framasoft n'offre pas aussi. Donc, pas mal ça. En gros, c'est vraiment le petit aperçu que je voulais vous faire. Donc, s'il y a des questions, ça me fait plaisir de pouvoir y répondre. Merci. Merci, Gabriel. Merci. Des questions? Ben c'est bon, mais je vous encourage vraiment à aller les explorer et aller voir. Essayez sur Framasoft. Comme je vous dis, faites un don si vous en servez fréquemment et que vous voulez vraiment continuer qu'il y ait une pérennité. Sinon, les chatons, évidemment, allez voir ça. T'en es membre d'un chaton, Daniel aussi. C'est vraiment des bons services qu'ils donnent, vraiment. Puis si vous voulez vous auto-héberger, ben, c'est ça, comme je vous dis, Framasoft donne des instructions pour comment installer Framapiaf, comment installer Framateam et tout ça. Donc, vous pouvez vous auto-héberger sur votre propre serveur. C'est ce que je fais moi-même sur mon propre serveur qui est hébergé dans le coin de Montréal. Donc, c'est ça. C'est vraiment, c'est plus au port, plus de compétences un petit peu informatiques, mais ça peut bien se faire quand même. Puis, on a une communauté qui peut nous soutenir également. Puis, Linux également, via le projet d'auto-hébergement que Benoît parlait, peut le faire aussi par là. Effectivement. Ben, pour le Twitter, le Mastodon, oui, il y a des téléphones cellulaires. Pour le clavardage, oui. Framasphère, j'ai pas vu de trucs cellulaires pour ça, il me semble. À moins que j'ai mal regardé là, pour Diaspora. Fait que malheureusement, ça, c'est un gros bémol, effectivement. Mais comme pour les pages web conservées, oui. Si je pense un petit peu, ça, oui. Ça, je pense. Bonne question. Je sais que Trello, hein, il y en a un pour Trello qui est l'alternative sur téléphone, mais je ne sais pas Canboard, c'est une bonne question. Framateam, oui. Framatalk, je ne suis pas sûr si ça fonctionne bien, le cellulaire. Je n'ai pas essayé. Il marche, OK. C'est bon, parfait. Puis, Nextcloud, oui, Nextcloud, il y a une impression cellulaire, évidemment, pour aller voir nos documents et tout ça. Donc, la plupart, oui, mais c'est ça, c'est pas, ça varie, c'est sûr, selon le logiciel, là, quand même, mais la plupart, oui, je dirais. Parfait. On peut se poser une question quand on voit tout ça. Est-ce que ça a du bon sens pour nos écoles, nos cégeps, nos universités, d'envoyer tous les étudiants sur des systèmes comme Google Docs ou Internet, alors qu'on devrait quand même avoir dans nos universités, nos écoles, une implantation de ces logiciels-là pour nos étudiants? Oui. D'ailleurs, justement, Nextcloud, je pense que vous allez voir sur leur site, ils ont fait des déploiements dans des universités, entre autres en Allemagne et tout ça. Donc, c'est très, très populaire parce que justement, les universités ont besoin, ou même les écoles en général, ont besoin d'offrir la gestion de calendrier, la gestion de documents et tout ça. Puis c'est quelque chose qui se fait vraiment, qui se fait très bien. Là, Ben oui, écoutez, c'est une association française, puis je pense qu'il y a comme 6 employés permanents, tout comme ça. C'est pas une grosse équipe, là, Framasoft. Il y a beaucoup de bénévoles, évidemment. Tu sais, mais payants, permanents, là, qui sont engagés, ce sont 5 personnes, là. Puis plus de bénévoles qui gèrent tous ces 30 services-là. Ils font pas juste ça non plus, c'est ça, effectivement, tu sais. Donc, tu sais, ils développent aussi, ils lancent des nouveaux projets, puis ils vont vraiment, ils font des activités locales, une rencontre mondiale du logiciel libre. Tu sais, ils sont super actifs, puis... fait que c'est pas quelque chose qui demande beaucoup de ressources. Puis aussi, leur serveur ne coûte pas des millions de dollars par année, là, ce qu'ils louent là, pour tout gérer ça. Donc, c'est vraiment c'est intéressant. Là, là-dessus, là, je pense que les écoles, effectivement, puis les gouvernements, entre autres, on l'utilise beaucoup. Ben, je peux vous dire rapidement nos services qu'on a actuellement, qui sont pour tous les ministères. On a un wiki basé sur le Media Wiki, qui est équivalent, qui est lui de Wikipédia, finalement. On a notre réseau social, qui est basé sur ELG, E-L-G-G, finalement, qui est en PHP, qui permet d'avoir des... qui même, j'aurais pu vous montrer aussi, Framasoft ne l'offrait pas, je ne l'ai pas montré, mais c'est que vous pouvez vraiment avoir une sorte de microblog, vous pouvez avoir des groupes de discussion, des fichiers, des signets, donc vraiment intéressant là-dessus. On a GC Collab, qui est l'équivalent, mais à l'externe, et on a aussi lancé une plateforme de chat un peu sur Rocket Chat, pas sur Mattermost, par contre, et qu'on utilise aussi entre les ministères, puis aussi avec d'autres ministères, avec d'autres pays, d'autres provinces. Puis, si on avait notre propre Kanban aussi, qu'on avait lancé un bout de temps, qu'on prépare, qui n'est pas tout prêt encore. Puis, on a un wiki externe aussi maintenant. Donc, tu sais, ils ont mis en place des services que tous les ministères ont accès. Puis, ils se sont dit, vu que là, on a minimum, on part maximum plus de 300 000 comptes, parce que c'est 350 000 à peu près fonctionnaires fédéraux qui ont au pays. Bien, c'est sûr que côté prix, avoir un logiciel libre, c'est intéressant parce qu'on peut avoir vraiment, on peut facilement augmenter le nombre de comptes et tout ça. Puis on peut facilement le mettre sur une infrastructure dans le cloud et tout ça. Donc, tu sais, c'est vraiment intéressant là-dessus. Puis nous-mêmes, on l'applique là, pour certains services. Mais à prix égal. C'est ça. Mais à prix égal. Pourquoi pas aller, c'est ça? Ah oui. Oh oui, non, effectivement. Ça, c'est sûr que ça, c'est pour les services, c'est clair. Là. Parfait. Excellent. Bien, merci beaucoup encore. Si je vais dans le coin, si vous voulez avoir plus de questions, plus de commentaires ou peu importe, ça me fait plaisir. Puis on publie évidemment la présentation sur le site de Linux. Merci. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et puis, Gabriel va être à votre disposition au coin rencontre, si vous voulez. Et en tout cas, merci d'avoir été présent et d'être resté jusqu'au bout de cette journée.